Des chansons tristes pleuvaient dans mes oreilles. Je ne rêvais que du soleil. Et on a pris pour oublier la pluie un avion pour le paradis. Adieu les soucis, bonjour la belle vie. Au pays des Buenos Dias, des tequilas, des tortillas. Mexico, Mexico, on a la mer, on a l'été. Olé, olé, c'est tellement mieux qu'à la télé. Olé, olé, on est tout en Mexicalé. Olé, olé, avec nos chapeaux sur le nez, on a bien fait de s'en aller. Olé, olé, à toutes les fêtes ça va chanter. Olé, olé, le soleil, la mer et palmiers. Olé, olé, on les a pas volés. Ce soir je pars à une fiesta. Et moi je peux? Oui, si tu veux. Alors je vais me faire une siesta. C'est un petit dodo de paresseux. Après je prendrai la guitare. Et on sera prêt pour le show. Fini Rochefort, Malmedy et Banneux. On boira des margaritas avec les belles señoritas. Mexico, Mexico, on a la mer, on a l'été. Olé, olé, c'est tellement mieux qu'à la télé. Olé, olé, on est tout en Mexicané. Olé, olé, avec nos chapeaux sur le nez, on a bien fait de s'en aller. Olé, olé, à toutes les fêtes ça va chanter. Olé, olé, le soleil, la mer et palmiers. Olé, olé, on les a pas volés. Caramba, caramba, amigo Samsonito. Caramba, caramba, qu'il fait beau à la playa. Caramba, caramba, caramba Don Fredino. Caramba, caramba, chaud comme du chocolat. On a la mer, on a l'été. Olé, olé, c'est tellement mieux qu'à la télé. Olé, olé, on est tout en